Les bonnes, les bonnes, amon na fi dana am. Waa, ma ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant. Di leen bégee bu baax a baax quoi. Bon, bi nag Gayna Ndiaye la woon daal, maanaam roi de la jungle. Léegi mu décider def benn concours si àll bi. Animal bu gën a ñaaw, xam nga. Te ku gagné concours bi nag, waay Gayna Ndiaye da koy rey. Géwlu animaux yi quoi, yëgle nouvelle bi si àll bi yépp. Ba nouvelle bi dem si nopp bukki quoi, rek bukki daal di jaxle quoi. Ñàkk toy xepp tiit yooyu mu daal di daw kër golo pour yëgal ko concours bi. Bon, bi mu yegsee kër golo xam nga ak xiixatam mu ne golo, mais golo dégg nga li Gayna Ndiaye wax. Golo tontu ko quoi, nekk oui mais bien sûr dégg naa li Gayna Ndiaye wax, xam nga. Léegi bon bukki daal di jaxle quoi bi mu gisee ni golo bon tiitul te qu'il prenait la nouvelle avec ay calme yooyu quoi, sans stress. Waaye rek bukki daal di wax golo quoi. Waa golo ragaloo perd concours bi. Golo tontu bukki quoi, ne ko mais attends yow tamit da nga nekk fi. Bukki du jooy.